8-13, activation orale, de après négation. Répondez selon l'exemple. Vous entendez? 1. Est-ce que l'oncle Guillaume a des enfants? Et vous répondez? Non, il n'a pas d'enfants. Allons-y. 2. Est-ce que la tante Georgette a des fils? Non, elle n'a pas de fils. 3. Est-ce que la tante Georgette a des filles? Non, elle n'a pas de fille. 4. Mais alors, est-ce que la tante Georgette a des enfants? Non, elle n'a pas d'enfants. 5. Est-ce que la tante Georgette a de l'argent? Non, elle n'a pas d'argent. 6. Est-ce que la tante Georgette a de la chance? Non, elle n'a pas de chance. 7. Est-ce que la tante Georgette a du courage? Non, elle n'a pas de courage. 8. Est-ce que la tante Georgette a du temps? Non, elle n'a pas de temps. 9. Est-ce que la tante Georgette a des loisirs? Non, elle n'a pas de loisirs.